Radiomatic. Pour l'ouverture de la transmission 328 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi la pièce Anti-Nigger Machine composée par le collectif Public Enemy et publiée sur leur album Fear of a Black Planet paru en 1990. C'est sans prétention aucune que les sonoristes vous invitent à écouter la suite de cette transmission d'Audiomatique. Thank you. nous avions droit à Audiomatic, à la musique du groupe irlandais Alarmist et leur composition Aztec Dreams, parue sur le mini-album Pal Magnet, sorti en 2013. Tout juste avant, c'était le duo québécois About et la chanson Préméditation, extraite de leur mini-album Samudaya, lancé en 2012. Et pour amorcer ce segment, vous avez peut-être reconnu Arcade Fire et la pièce Black Wave Bad Vibrations que l'on retrouve sur leur album Neon Bible qui est paru en 2006. Audiomatic se poursuit sur la musique de la formation Dark Illumination. landed on this planet, it's still dark night. My feet deep in the dust, I should leave or I'm lost. Something told me that I tried to flee somewhere, not knowing what it was. Audiomatique, nous venons de terminer cette séquence musicale en compagnie du duo israélien Infected Mushroom et de sa pièce Ratio Schmatio, apparaissant sur l'album I'm the Supervisor, sorti en 2004. Avant Infected Mushroom, nous entendions la formation Rotter Sand et sa pièce The Fire, apparaissant sur son premier album Truth is Fanatic, paru en 2003. Et on amorçait la séquence sur la musique de Dark Illumination avec la pièce-titre de leur troisième et dernier album intitulé Dead Planet et publié en 2001. À Audiomatique, les sonoristes vous offrent maintenant à entendre le groupe anglais Archive. Souls, man. Terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le projet danois Espion qui s'orthographie ASBJO-RN et la chanson Oui, Oui, Oui que l'on retrouve sur son premier album Sunken Ships. Précédemment à Espion, nous avions droit à Aphex Twin et sa composition Disc Hat All Prepared One Mixed 13. De son mini-album Computer Controlled Acoustic Instruments Part 2, sorti en 2015. Et pour débuter le tout, il s'agissait du groupe anglais Archive et la chanson Conflict, tirée de l'album With Us Until You're Dead, lancé en 2012. C'est avec une formation équatorienne que se conclura la transmission 328 d'Audiomatique. De la formation Sexores, nous entendrons la pièce Titane se retrouvant notamment sur la compilation Musica Electronica Ecuador, volume ou non. La transmission 329 d'Audiomatique s'exécutera en direct mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous êtes également invité à consulter nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique pour entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc, pour terminer, Sexores et la pièce Titane. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.